Examen de conscience d'une jeune fille. De contes, récits et scènes en vers par Gustave Nadeau. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Examen de conscience d'une jeune fille. À Madame Legouvet Desvalières. Je le sais par expérience. Je suis grande, j'ai 17 ans. On doit faire de temps en temps son examen de conscience. Cela repose et fait du bien. Je vais donc commencer le mien. Ce matin, j'ai fait ma prière. Je l'ai faite encore ce soir. J'accomplis ce double devoir d'une façon très régulière. Et sur ce point, j'ai beau chercher, je n'ai rien à me reprocher. Comme nous sommes en carême, j'ai dû jouir d'un long sermon par M. l'abbé Salomon. Je puis m'avouer à moi-même que je n'ai pas très bien saisi le sujet qu'il avait choisi. Il a beaucoup parlé du doute. C'est affreux à ce qu'il disait. Moi, je ne sais pas ce que c'est. On n'entend que ce qu'on écoute. Or, je n'ai jamais écouté ce qui n'est pas la vérité. Continuons notre journée. J'ai rencontré sur mon chemin un pauvre, mais j'avais la main dans un gant neuf emprisonné. Les gants, en vérité, c'est la mort de la charité. J'ai pris ma leçon de musique. Mon maître est un de ces vieux beaux préoccupés mal à propos de ce qu'ils nomment leur physique. Il croit être un grand conquérant, un fort bonhomme au demeurant. Voyons, qu'ai-je pu faire encore? Gourmande, je ne le suis pas, mais je fais bien mes 3 repas. Je ne veux pas imiter l'or qui se laisse mourir de faim pour ne pas engraisser, enfin. Chacun son goût et sa folie. Pour moi, je n'ai jamais compris que la maigreur eût tant de prix. Je ne suis pas très, très jolie, mais ce n'est déjà pas si mal que d'être au diapason normal. D'ailleurs, on peut, sans être belle, avoir du charme, de l'esprit, la lèvre qui cause et sourit. Eh bien, mademoiselle, voilà qui doit être porté au compte de la vanité. Auriez-vous péché par envie? Ce matin, vous faisiez des vœux pour aller au seron chez eux de vos oncles et tante Octavie. Ma foi, non, pour prendre du thé, du whist et du piano forte, ce ne sont pas choses pressées. Et puis, le luxe, les splendeurs, le bruit, la musique, les fleurs, donnent de mauvaises pensées. Ma foi, non, le monde où je vais n'est ni si beau, ni si mauvais. Dans vos réflexions secrètes, n'avez-vous pas encore trouvé l'idéal, le mari rêvé? Ma foi, non. Les beaux sont trop bêtes. Les bêtes, moi, je leur déplais. Et les non-bêtes sont trop laids. En résumé, mademoiselle, vous n'avez fait ni mal ni bien. Appelez votre ange gardien pour vous abriter sous son aile. Endormez-vous tout doucement. On ne pêche pas en dormant. Fin de « Examen de conscience d'une jeune fille » enregistré par Margot.